Chapitre 24e. Éclaircissement. Le lendemain matin, Marguerite se leva reposée, sinon guérie. Tous dans la maison avaient passé une bonne nuit. Sa mère ne s'était éveillée qu'une seule fois. Une petite brise rafraîchissait la température, et bien qu'il n'y eût pas là d'arbres dans lesquels on pût voir se jouer le vent, Marguerite savait qu'en certains endroits, sur le bord des routes, dans les taillis et dans les bois, on entendait un murmure de feuilles dont la seule pensée ranimait la joie dans son cœur abattu. Elle était assise à travailler dans la chambre de Mrs. Hale. Elle se disait que lorsque celle-ci aurait fini de sommeiller, elle l'aiderait à se vêtir et qu'après le dîner, elle irait voir Bessie Higgins. Elle se promettait de bannir de sa pensée toute la famille Thornton. Mais l'effort même qu'elle faisait pour ne pas songer à eux les lui rappelait. Et de temps en temps une vive rougeur venait colorer son pâle visage, semblable à un rayon de soleil apparaissant un instant entre deux nuages sombres. Dixon ouvrit doucement la porte et, s'approchant de Marguerite sur la pointe du pied, elle lui dit « Mr. Thornton est dans le salon, miss. » Marguerite laissa tomber son ouvrage. « Est-ce qu'il m'a demandé? Papa n'est donc pas rentré? » « Il vous a demandé, miss, et monsieur est dehors. » « C'est bien, j'y vais, » dit Marguerite avec calme, mais elle ne se hâta pas. Mr. Thornton était debout près d'une des fenêtres, absorbé en apparence par le spectacle de la rue. Mais en réalité, il avait peur de lui-même. Son cœur battait avec violence à la pensée que Marguerite allait venir. Il ne pouvait oublier qu'il avait senti ses bras passer autour de son cou. Il les avait sentis avec impatience dans le moment. Mais maintenant, au souvenir de ce qu'elle avait fait pour le défendre, toute sa fermeté, tout son empire sur lui-même, se fondait comme la cire devant un feu ardent. Il se demandait s'il ne se présenterait pas devant elle les bras ouverts, la suppliant du regard de s'y réfugier, comme elle avait fait la veille. Lui, jusque-là si fort, il tremblait à la pensée de ce qu'il allait lui dire et de la manière dont elle l'accueillerait. Peut-être, rougissante et timide, se pencha-t-elle sur lui, comme sur son appui naturel. Il rougissait d'impatience à la pensée qu'il en serait ainsi. L'instant d'après, il tremblait d'être repoussé avec colère et dédain. Et la seule idée qu'il en pût être ainsi couvrait pour lui l'avenir d'un tel deuil qu'il se refusait à l'envisager. Il tressaillit soudain en sentant qu'il n'était pas seul dans la chambre. Il se retourna. Elle était entrée si doucement qu'il ne l'avait pas entendue. Les bruits de la rue avaient été plus distincts pour son oreille inattentive que ses mouvements calmes et le frôlement de sa légère robe de mousseline. Elle se tenait debout près de la table, sans lui offrir de prendre un siège. Ses yeux étaient à demi baissés. Sa respiration lente et profonde dilatait ses narines transparentes. C'était le seul mouvement visible de toute sa personne. Elle était pâle et abattue, et l'absence de sa vigueur et de son air de santé habituel était rendue plus marquée par la disposition inaccoutumée de ses épais cheveux noirs, ramenés sur les tempes pour cacher toute trace du coup qu'elle avait reçu. Sa tête, malgré la tristesse de ses yeux, était comme toujours légèrement rejetée en arrière. Ses bras pendaient immobiles le long de son corps. Son attitude entière ressemblait à celle d'une prisonnière faussement accusée d'un crime qu'elle abhorre, mais trop indignée pour descendre à se justifier. Mr. Thornton fit vivement quelques pas vers elle, puis, se remettant, il alla avec calme fermer la porte qu'elle avait laissée ouverte. Alors il revint de son côté et se tint un instant debout en face d'elle, songeant avec douleur que ce qu'il avait à dire allait peut-être le priver à jamais de sa présence. « Miss Hale, » dit-il enfin, « je me suis montré bien peu reconnaissant hier. »« De quoi auriez-vous été reconnaissant ?» répondit-elle en levant les yeux et le regardant en face. « Vous voulez dire par là, à ce que je suppose, que vous croyez me devoir des remerciements de ce que j'ai fait ?» En dépit d'elle-même et de sa colère, elle rougit jusqu'aux tempes, mais elle conserva néanmoins son regard grave et ferme. « J'ai agi instinctivement. Toute autre femme eût fait de même. Nous sentons toutes que le respect qu'inspire notre faiblesse est une protection au moment du danger. » Je devrais plutôt m'excuser auprès de vous d'avoir prononcé des paroles irréfléchies qui vous ont excité à braver le péril. Ce ne sont pas vos paroles, c'est la vérité qu'elles contenaient. mais vous ne vous déroberez pas sous ce prétexte à l'expression de ma profonde gratitude, de mon... » Il y touchait, mais il ne voulait pas se déclarer dans la chaleur de la passion, il voulait peser chacun de ses mots. Il le voulait et sa volonté triompha, il s'arrêta. « Je n'essaie de me dérober à rien, » dit Marguerite. « Je dis simplement que vous ne me devez aucune reconnaissance, et j'ajouterai que l'expression de la vôtre m'est pénible, parce que je sens que je ne la mérite pas. Cependant, si cela doit vous débarrasser du poids d'une obligation purement imaginaire, parlez. » « Je ne désire être débarrassé d'aucune obligation réelle ou imaginaire, » dit Mr. Thornton, piqué de la froideur de Marguerite. « Il me plaît de croire que je vous dois la vie. Riez et taxez mes paroles d'exagération, si vous voulez. Je le crois, parce que cela ajoute pour moi un grand prix à cette vie de le penser. Oh, Miss Hale, » continua-t-il en baissant la voix et avec une telle intensité de passion qu'elle frissonna devant lui. « Oh, Miss Hale, quand je pense que dorénavant, lorsque je me réjouirai dans le sentiment de la vie, je pourrai me dire « Toute cette joie de l'existence, cet honnête orgueil que j'éprouve à accomplir mon œuvre en ce monde, ce sentiment ardent profond de l'être que je ressens, c'est à elle que j'en suis redevable. Cela double la joie, augmente l'orgueil, aiguise le sentiment de l'existence à ce point que je ne sais plus si c'est une peine ou un plaisir de penser que je le dois à celle... « Si, vous m'entendrez, il le faut, » dit-il en s'approchant d'elle d'un air de résolution sévère, « à celle que j'aime, comme je ne crois pas que jamais homme ait aimé une femme. » Il tenait la main de Marguerite étroitement serrée dans la sienne. Sa respiration était suspendue dans l'attente de ce qu'elle allait dire. Il rejeta sa main avec indignation en entendant son accent glacial. « Votre manière de parler me blesse, » lui dit-elle lentement, et comme si elle eût de la peine à trouver les mots. « Vous blasphémez. Je ne puis empêcher que ce ne soit mon premier sentiment. Peut-être n'en serait-il pas ainsi si je comprenais la sorte de sentiment dont vous me parlez. Je ne voudrais pas vous faire de peine, et puis il faut que nous parlions doucement, car maman dort. Mais toute votre manière m'offense. Vous offense? Comment cela? Je suis en vérité bien malheureux. » « Oui, » reprit Marguerite avec dignité, « je suis offensé, justement offensé. Vous semblez croire que ma conduite d'hier... » Et ici, ses joues se teignirent de nouveau d'un vif incarnat, mais cette fois ses yeux brillaient d'indignation. « Que ma conduite d'hier ait un acte qui vous soit personnel, et que vous pouvez venir m'en remercier, au lieu de comprendre, comme le fait un gentleman. Oui, un gentleman, » répéta-t-elle en faisant allusion à leur récente discussion sur ce mot, « que toute femme digne de ce nom... se fût avancé pour couvrir de sa faiblesse sacrée un homme exposé aux violences d'une foule en délire. Et aux gentlemen ainsi arrachés au péril, les remerciements sont interdits. » Interrompit Mr. Thornton avec mépris. « Je suis un homme et je réclame le droit d'exprimer mes sentiments. Et j'ai cédé à ce droit. Ajoutant seulement que vous me causiez de la peine en insistant sur ces choses, » répliqua fièrement Marguerite. « Mais vous paraissez vous être imaginé que je n'ai pas été guidé simplement par un instinct naturel à toutes les femmes, mais... » Et ici, des larmes, contre lesquelles elle luttait depuis longtemps, remplirent ses yeux et étouffèrent sa voix. « Mais que j'étais poussé par quelque sentiment particulier pour vous, vous. Mais il n'y avait pas un homme, pas un misérable au désespoir dans toute cette foule, qui ne m'inspira plus de sympathie, et pour qui je n'eusse pas fait plus volontiers le peu qui était en mon pouvoir. » « Vous pouvez continuer, Miss Hale. Je connais vos sympathies erronées. Je crois maintenant que c'est votre haine innée de l'oppression, oui. Car bien que patron, je puis aussi être opprimé. Qui vous a fait agir hier aussi noblement. Je sais que vous me méprisez. Permettez-moi de vous le dire. Cela vient de ce que vous ne me comprenez pas. » « Je ne tiens pas à vous comprendre, » répliqua Marguerite, s'appuyant sur la table pour se soutenir, car elle le trouvait cruel. Comme il l'était en effet, il se sentait défaillante et indignée. « Non, je le vois bien, vous êtes injuste et de mauvaise foi. » Marguerite garda le silence. Elle ne voulait pas répondre à de semblables accusations. Mais malgré tout, et en dépit de ces dures paroles, Mr. Thornton se sentait prêt à tomber à ses pieds et à baiser le bas de sa robe. Elle ne parlait ni ne remuait. Les larmes brûlantes de la fierté blessée inondaient son visage. Il attendit quelque temps, espérant lui entendre dire quelque chose à quoi il pourrait répondre, fût-ce une raillerie ou un reproche. Mais elle demeura muette. Il prit son chapeau. « Encore un mot, » dit-il. « Vous semblez vous croire flétri par mon amour. Vous ne pouvez y échapper. Moi-même, je ne pourrais vous en laver quand je le voudrais. Mais je ne le veux pas. Je n'ai jamais aimé aucune autre femme. Ma vie a été trop occupée, mes pensées trop absorbées par d'autres intérêts. Maintenant, je vous aime, et je continuerai à vous aimer. Mais ne craignez pas que je vous fatigue davantage de l'expression de cet amour. » « Je ne crains rien, » dit Marguerite en relevant la tête. « Personne n'a jamais été impertinent envers moi, et personne ne le sera jamais. Mais, monsieur Thornton, vous avez été bon envers mon père, » ajouta-t-elle, en changeant complètement de ton et s'exprimant avec une extrême douceur. « Ne soyons pas fâchés l'un contre l'autre, je vous en prie. » Il ne parut faire aucune attention à ses paroles. Il demeura occupé à lisser avec la manche de son habit le poil de son chapeau pendant une demi-minute environ. Puis, rejetant la main qu'elle lui offrait et affectant de ne pas voir son regard grave et chagrin, il se retourna brusquement et quitta la chambre. Lorsqu'il fut parti, Marguerite crut avoir aperçu des larmes briller dans ses yeux, et cette vue changea sa fière aversion en un sentiment plus doux, mais presque aussi pénible, le remords d'avoir causé une peine si vive à qui que ce fût. « Mais comment pouvais-je faire autrement ? » se demandait-elle. « Je ne l'ai jamais aimé. J'étais poli envers lui, mais je n'ai jamais cherché à lui déguiser mon indifférence. Je n'ai jamais songé à lui. Mes manières auraient dû lui apprendre la vérité. Il est vrai qu'il a pu se tromper à ce qui est arrivé hier, mais c'est sa faute, et non pas la mienne. Je le ferai encore, s'il en était besoin, bien que cela me cause tout ce chagrin et toute cette honte.